Ah, il parlait les couilles là aussi. Attention, il faut pas laisser. Tu cherches quoi quand même? Quoi? Je cherche Mehdi, il est pas là. Ah, tranquille, tranquille, frère, je le connais, c'est ça. Alors, ça va quoi? Tranquille ou quoi? Ça va, ça va. Ça va, frère. Il est pas là, Mehdi? Là, il est loin, le musée. Ah ouais? Et ouais, il est loin, il est loin. Ah, vas-y, à la prochaine, toi. Miamigo, tu te la pètes à croire que tu vis à Miamigo. Calcule plus à Vico, je t'en veux Miamigo. On s'aime bien mais on se parle plus, mais c'est la Vigo. J'ai mes Asics et j'habite pas loin du Asigo. Asigo. Ça fait un bail, hein. Ça fait longtemps, hein. 2 ans. J'étais où pendant 2 ans? Je sais pas ce que j'ai bu, hein. Je suis débrouillé. On avance, avec ou sans les gens. Ah ouais, je déconne quand je rigole. Et je pense à toi, amigo, que je rigole, ça t'étonne. Mais jalouse pas de ma vie, quand on se connaît depuis l'école. La garde à les heures de colle, les premiers délits, nos premiers délires. Les premières parles, les verres d'alcool. Si nos problèmes, il serait temps de trouver la solution. Qui sera le premier, pas pour parler, alors prendre la bonne résolution. J'ai tourné sans personne, je peux plus voir tes gains. Le bruit du moteur est ronronné, demande à tes tis, on prend le run. Ils sont pleins de manie, mais tout ça on me l'avait dit. J'aurais été bizarre, je pense qu'on me l'aurait dit. Amigo, tu te la pètes à croire que tu vis à Miamigo. Calcule plus à Vico, je t'en veux Miamigo. On s'aime bien mais on se parle plus, ben c'est la Vico. J'ai mes Asics et j'habite pas loin du Asigo. Asigo. Ouais, chaleur, ouh, qu'est-ce qui se passe? Ouh, qu'est-ce qui tracasse? Faut qu'on parle, tant ça passe. Ouh, ouais, mon amigo, j'suis tendu au micro. Tu m'as appelé en mytho, tu m'as zappé, ouais, plutôt. Rentrant sous grosse mission, il est naquette. Le guidon, claquette, Nike, pas Louis Vuitton. Amigo, j'ai les frissons, toi tu fais le mal. Après tu songes sur moi, tu dis des mensonges. J'ai beaucoup bu, et lâche pas, faut qu'on se voie et c'est ce que j'pense. Miamigo, tu te la pètes à croire que tu vis à Miamigo. Calcule plus à Vico, j't'en veux Miamigo. On s'aime bien mais on se parle plus, mais c'est la Vigo. J'ai mes Asics et j'habite pas loin du Asigo. J'étais en galère pendant 2 ans. J'ai pas le choix, je pouvais pas faire autrement. 2 ans c'est long, hein. J'ai laissé énorme chez moi. J'ai pris tout sur moi. J'ai fait des erreurs.